pas le peuple français, c'est la bande de salons de capitalistes qui nous dirigeait. La vérité est dans le combat, dans le sacrifice total à une autre idée d'avenir. Don't know.